Mardi 3 mars, bienvenue à cette nouvelle émission de l'aérospatiale. Julie Gagné avec vous jusqu'à 18h30 pour discuter art visuel. Aujourd'hui à l'émission, on va discuter avec Audrey Caro et Jean-Pierre Guay, tous deux collaborateurs à l'émission. Mais on parle pas de leur engagement pour l'aérospatiale, mais plutôt de leur engagement comme collectionneur, puisqu'Audrey était commissaire et encore, en fait, c'est un fait, et commissaire pour l'exposition Passion et engagement qui présente des œuvres du Cercle des collectionneurs d'art actuel, une exposition qui est située dans la nouvelle Galerie 3. On avait discuté avec les trois propriétaires. On avait bien hâte que ça ouvre. Ben voilà, c'est fait. C'est ouvert, je crois, du mercredi au dimanche de midi à 17h. Exposition qui est présentée jusqu'au 22 mars. Également, on discutera avec Alexis Bélanger autour de son exposition Bad Sampling qui est présentée au lieu jusqu'au 15 mars. Raymond Poirier nous fera sa revue de presse et le tout sera ponctué des suggestions, oui, de Simon Roy. Bonsoir, Simon. Bonsoir. Ce soir, on écoute Doug Seedall et Todd Tuttle. J'adore ça, dire ça. C'est vraiment plaisant. Ben oui, c'est accrocheur comme nom. C'est deux artistes du New Jersey. J'ai trouvé des extraits de leur album Check the Map sur l'étiquette Zero Moon. C'est un album vraiment touffu, vraiment chargé. Ils ont pris toutes sortes d'instruments, dont piano, des chants modifiés avec autotune, l'harmonium, banjo, des sons de cuisine, bruit de bouche, des tables tournantes, donc toutes sortes d'instruments différents. Éclectique, puis, en fait. Ils font un ensemble vraiment cohérent. C'est une trame sonore vraiment intéressante. Tu dis une trame sonore? Pour mes oreilles. Une trame sonore de vie ou tout oui, simplement? Oui, c'est ça. Ça s'écoute très bien en marchant. C'est, je sais pas, je pourrais peut-être même qualifier ça de pop expérimental. Oh. C'est un album qui accroche un vrai sourire. Ah ouais, ben voilà, on en a besoin. En plus, avec le soleil qui se couche de plus en plus tard, là, ça met, ça en rajoute. Ben oui. Ben Simon Roy, merci beaucoup. Plaisir. Donc, on peut écouter Simon Roy à Web Musique les dimanches à 19h. Puis, en attendant d'écouter son émission, ben on écoute ses suggestions. On écoute un extrait de la pièce Hey Buddy sur les ondes de CKRL. Là, c'était un extrait de l'album Check the Map de Doug Seedall et Todd Tuttle. Je vous offre de le dire parce que Todd Tuttle, c'est vraiment plaisant à dire. Mais bon, j'aime beaucoup les virelangues. Toujours à l'aérospatiale. Vous pouvez trouver les liens pour le téléchargement gratuit des pièces de Simon Roy, l'émission en balado-diffusion sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Puis également, ben, il y a la revue de presse de Raymond Poirier que j'accueille à l'instant. Bonsoir. Bonsoir, Julie. Alors, que se passe-t-il? C'est la question hebdomadaire. Pas mal de choses quand même. Et on commence avec pas mal de choses du côté d'Exmuro Art Public. Oh. Deux grosses nouvelles qui sont sorties au fil de la semaine. Première chose, ben, c'est confirmé, les Passages Insolites vont être de retour dans le Vieux-Port de Québec cet été. Fort de leur succès l'an dernier, on annonce aussi que deux fois plus d'œuvres vont être présentées. Puis ma question, c'est est-ce qu'il va y avoir les œuvres de l'an dernier ou on renouvelle complètement le... Il devrait avoir des œuvres qui vont revenir et il y aura aussi des nouvelles œuvres qui vont être effectuées. Donc, c'est une dizaine d'œuvres. Exactement. Donc, ça risque d'être assez intéressant. De ce côté-là, il y en avait eu 6 quand même l'an dernier. Donc, et c'était déjà quand même un parcours assez intéressant. Alors là, 10 à 12 œuvres, en fait 11 pour être exactement précis, qui vont être dispersées dans le quartier Création, donc dans le Vieux-Port, dans le Petit Champlain, Place Royale, puis dans le secteur du Cap-Diamant. Tu fais bien de nommer les quartiers, Raymond, oui. Parce que le quartier Création, là, ça me dit pas grand-chose. Jamais pensé que c'était là. Et pour être précis, en fait, on parle de 8 œuvres qui vont être 100% nouvelles et de 3 œuvres qui vont être récupérées de l'an dernier, mais qui vont être placées dans un autre contexte. Oh. Alors quand même, il y a aussi une dynamique de recréation dans la mesure où ces œuvres-là, du moins pour certaines, c'était vraiment réfléchi en fonction de leur contact, de leur relation à l'espace. Là. Voilà, ben j'ai hâte de savoir. J'ai hâte de voir. Et autre nouvelle concernant Ex-Muro, on a appris également qu'ils auront le mandat de réaliser une place publique temporaire à l'été 2015. Vraiment, on était chargé pour l'organisme. Mais ouais. Elle sera du côté de Limoilou, donc coin 3e Avenue et Canardière. Alors, le mandat a été donné... À l'horloge. Pour les connaisseurs du quartier. Alors, en fait, essentiellement, donc on demande un facteur wow à Ex-Muro. C'est ce que disait donc la conseillère municipale Suzanne Véraud. Un projet qui va être exclusif au quartier. Alors, ça serait intéressant de voir. Enfin, on annonce une première séance d'information pour les citoyens en mars, mais dans lequel on nous assure que tous les détails du projet ne seront pas dévoilés pour garder justement un effet de surprise, évidemment. Ben oui, parce que sinon, c'est un peu plate. Là. Oui. Sinon, on passe à Montréal. Tiens, des grands questionnements. Je t'en avais parlé la semaine dernière. Donc, Israël, qui était au cœur, qui était l'invité spécial d'Art Souterrain, un événement qui était sur la thématique de la sécurité. On disait, ben Israël s'y connaît en question sécuritaire. Et évidemment, cette thématique-là, lorsqu'elle a été annoncée, a fait vivement réagir. Il y a littéralement, en fait, 2 articles avec des artistes différents qui appellent au boycottage de l'événement pour des raisons politiques. D'un côté, en fait, ça c'était à la fin février, donc Mary Ellen Davis, Will Elzeni, José Garcia Lorano, les auteurs de la vidéo Un jour en Palestine, qui refusent, eux, de coexister avec des activités financées par le gouvernement israélien, qui renoncent au paiement de leur cachet, qui appellent au boycott de l'événement. Est-ce qu'ils ont retiré leurs œuvres? Probablement. Et parallèlement, ben il y a d'autres artistes, Alexandre Castonguay qui est aussi professeur à l'UQAM, Grégory Chatonsky également. Qu'on a reçu il y a 2 semaines à l'émission. Oui, et Frédéric et d'autres en fait qui appellent eux-mêmes à une réflexion à tout le moins autour justement de cet événement-là et de sa thématique en se questionnant justement sur l'absence de place qui est faite à la Palestine dans le contexte. On dit ben est-ce qu'on aura juste un côté justement de cette médaille plutôt que les deux? Dans un conflit aussi sensible. Alexandre Castonguay dit en fait essentiellement, et je cite, un vrai contexte critique doit se déployer, sinon il n'y a pas d'autre choix que de le boycottage. Alors, donc donner un peu les deux parts de la médaille, ou sinon, ben boycottons l'événement. Alors, ça sera intéressant de voir, évidemment, du côté du milieu artistique de Montréal, de quelle manière ça sera reçu ces appels au boycott-là. Du côté de l'organisation, du regardez, il n'y a rien à boycotter, on ne vise pas la controverse, c'est pas notre objectif, etc., etc. Et on assure que le contenu, dans le fond, le contenu ne sera pas... En fait, il n'y a pas de raison derrière ce boycottage-là, essentiellement. Okay. Si je paraphrase légèrement. Ben, je pense qu'on peut mettre ça dans notre dossier à suivre de près si jamais il y aura... Effectivement. D'autres informations qui viennent. Mais sûrement pendant l'événement qu'il va y avoir des suites, en fait, j'ose imaginer. D'un autre côté, j'imagine, enfin, on peut pas s'attendre, quand on aborde les questions des relations israélo-palestiniennes, ben nécessairement, ça reste, disons, une thématique passionné, qui hein? suscite les passions, qui suscite la controverse et qui est extrêmement difficile à traiter de manière satisfaisante pour tous. Ça, c'est clair. Sinon, on saute, on reste du côté du Québec et du Canada par extension. C'est la famille Sobey, derrière d'ailleurs les Sobey Art Awards, qui a décidé d'appuyer justement la présence canadienne du côté de Venise. On savait qu'il y avait de pouvoir y être visé également. Alors, en fait, la famille a déclaré qu'ils aimaient justement beaucoup l'idée justement de l'association de philanthropes à l'événement pour appuyer la présence canadienne, pour favoriser la diffusion de la culture. Ils disent que ben, leur espoir derrière ce don-là, c'est évidemment qu'on puisse déployer plus avant la capacité opérationnelle du pavillon du Canada puis avoir vraiment un impact important sur la place des artistes dans la communauté d'art internationale. On profite justement aussi de l'occasion lié au fait qu'il y a quand même beaucoup d'artistes canadiens, outre BGL, qui représentent officiellement l'événement justement pour y assister. Sinon, deux petites notes en terminant. Alors, notamment, on parle du CARFAC et du regroupement des artistes en arts visuels. Un peu plus tôt cette semaine du côté d'Ottawa, donc entente avec le Musée des Beaux-Arts du Canada. Évidemment, c'était une réflexion qui avait cours depuis un certain temps en lien avec les droits des artistes. Elle a été longtemps dans notre style de dossier. Là, oh, oui. La Chine conserve de peu sa première place devant les États-Unis dans un marché qui est tiré par la multiplication des musées. Ça, c'est selon le rapport annuel d'Art Price. Alors, voilà. Fait vraiment un boom assez époustouflant de manière générale. Donc, ce qui s'accompagne quand même d'un taux des vendus de 37% en Occident, de 54% en Chine. On dit que ça démontre peut-être un peu aussi l'absence de spéculation. Donc, on a tendance à miser peut-être un peu plus sur des valeurs sûres ou des valeurs déjà établies plutôt que d'essayer de spéculer sur d'éventuelles hausses de valeur d'autres titres. J'ai presque l'impression de parler de bourse dans ce cas-ci. Ben ouais, hein? Très sincèrement. C'est le marché de l'art, le gros marché, évidemment. Et donc voilà, enfin, on dit aussi qu'il s'est créé beaucoup de musées, évidemment, donc ça change peut-être un peu la donne. En 2000 et 2015, il s'est créé plus de musées que dans tout le 19e et le 20e siècle, dans la Grande Asie notamment, et qu'un musée a besoin d'un minimum de 3000 à 4000 œuvres pour être crédible. Alors nécessairement, ben, d'un côté, ça amène des nouvelles acquisitions, mm-hmm. et d'un autre côté, ben, ça amène, je dirais pas une stagnation, mais c'est presque ça dans la façon dont c'est présenté, dans la mesure où une fois qu'un musée a acquis une œuvre, c'est pas pour spéculer sur l'œuvre, c'est pour la conserver. Ouais, puis aussi, j'imagine que bon, faut se faire un fonds de départ, puis par la suite, ben là, les achats vont stagner aussi, là, donc ce bon-là risque de pas durer si longtemps non plus. Non, ce sera à suivre, en fait. Ce sera intéressant de voir. Ce qu'on dit, c'est que normalement, la barre du milliard pour le marché de l'art devrait être franchie prochainement. Là, en fait, ça va continuer à progresser, disons-le comme ça, selon Art Price. Reste à savoir, comme tu dis, jusqu'à quand. Voilà, Raymond Poirier, merci infiniment. Ça me fait plaisir. Vendredi, c'est La vie en BD à 17h30. Oui, on parlera du pouvoir narratif de l'illustration. Voilà, l'invitation est lancée. On s'en va en pause audio, on écoute un extrait de Check the Map. Au retour, on discute avec Alexis Bélanger. En début d'émission, Simon Roy nous avait dit que ça mettait le sourire. Eh bien, c'est vrai. Hein? Il disait que c'est presque de la pop expérimentale. J'ai envie d'écouter ça dans mon baladeur. Si ça existe encore, une telle chose, en retournant à la maison. Voilà, c'était Check the Map de Doug Seidel et Todd Tuttle. Si vous êtes passé au lieu dernièrement, vous avez certainement vu l'exposition Bad Sampling d'Alexis Bélanger. Pour en parler avec nous, Alexis Bélanger lui-même. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que c'est possible peut-être de nous présenter cette exposition de manière générale? Ben, en fait, Bad Sampling, c'est ma deuxième exposition. En fait, c'est ma première extra-Saguenay. Bad Sampling, c'est une exposition en trois volets. La première, c'est un triptyque vidéo. Oui. Ensuite, j'ai une mosaïque d'images sur un autre mur et au centre, il y a une installation là, avec des éléments en plexiglas. Puis, bon, l'idée de bad sampling, le sampling, c'est l'échantillonnage. Donc, oui. Bad sampling, mauvais échantillonnage. Peux-tu nous parler un peu de cette idée de base? En fait, je travaille beaucoup avec les concepts du numérique, là, les concepts d'informatique. Qui sont souvent des concepts qui sont décrits en anglais. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'avoir un titre là, qui est un peu fidèle à tout cet univers-là. Bad sampling, en fait, ce que je fais, c'est que je mets comme le spectateur dans une situation où ce que lui devient comme un capteur numérique qui est, lui, ce capteur-là qui est vraiment d'une mauvaise qualité. Fait que ça fait que on a un mauvais échantillonnage des éléments qu'on voit autour de nous. Et c'est pour ça que le titre, c'est Bad Sampling. Puis dans le fond, cette idée de mauvais échantillonnage, bon, tu parlais tantôt d'un triptyque vidéo, où là, est-ce que c'est toi qui danse? Oui, c'est moi. OK, oui. Donc on te voit danser, mais à chaque fois, donc sur les trois écrans, on ne voit pas toutes les choses en même temps, il nous manque toujours une forme d'information. Ça m'a même fait par moments penser à des GIFs. Oui, un peu, c'est vrai. Est-ce que c'était volontaire? Ben non, pas vraiment, en fait. Plus vraiment là, c'est comme mettre quelqu'un qui cligne des yeux là, ben en fait c'était pas ça l'idée, mais en fait là on c'est comme si qu'on captait les images à chaque seconde ou à chaque microseconde, comme tu sais, comme nous dans la vie de tous les jours on voit ce qui se passe autour de nous en temps réel, puis on voit tout ça là comme à chaque moment. Mais là ce que je faisais, c'est que j'obligeais les gens à devenir comme une espèce de capteur où ce que ils voient des images à des moments vraiment décidés par en fait par le moi là. Ouais, ouais, ouais. Puis c'est ça, en fait, là, ça devenait comme une espèce de télévision cathodique, là, les images que ça a donné, là, mais ça donnait des belles affaires, le triptyque vidéo. Puis en même temps, les trois écrans projettent en même temps. J'ai remarqué, des fois, j'avais l'impression qu'il y avait une certaine, pas une narration, mais une animation qui progressait d'un écran à l'autre. Par moment aussi, j'avais l'impression que ce qui manquait sur l'écran de droite, où on voit plus le plus d'images, apparaissait sur un autre écran. Mm-hmm. Vous voulez dire qu'il y avait plus, mais en fait c'est exactement la même danse. Oui, oui, oui. Qui est faite sur les trois vidéos, sauf que c'est justement pas avec la même vision, mais je comprends pas ce que vous voulez dire par narration. Que par exemple, narration, j'avais l'impression que ça, des fois par moment ça partait de gauche un peu pour aller vers la droite, oui. Comme s'il y avait un mouvement qui se continuait d'un écran à l'autre, même si on a juste des moments d'image. Oui, oui, oui. Ça se peut, j'ai peut-être pas remarqué ça, mais ça se peut. Aussi, en fait, j'aime bien l'idée du sampling. Quand je pense, vous avez parlé de la mosaïque d'images qu'il y a au mur, où là, je présume, en fait, parce que ça semble orienté autour de la danse, je présume que c'est pas des positions, comme on appelle ça, de danse, là, pas mouvements. Des routines, des mouvements, voilà. Merci, ouais. C'était pas facile. J'ai l'impression que c'est des routines, mais encore là, on n'a pas l'image au complet puisqu'elle est très pixelisée. Oui, ben en fait, c'est un peu ça. Là. C'est comme de faire une espèce de guide visuel, comment faire la danse. Là. C'est un peu de guide visuel, comment faire la danse, en fait, que je fais sur une vidéo, mais qu'on voit pas tout comment le faire finalement. Fait que ce guide-là est inutile. Puis oui, effectivement, c'est des mouvements qui existent avec des vrais noms qui font partie de la danse. Mais c'est ça, c'est comme c'est inutilisable, en fait, on peut pas s'en servir pour faire les mouvements. Puis qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de travailler sur la thématique de la danse, outre, j'imagine, une passion pour cette dernière? Ben, en fait, c'est vraiment juste, en fait, en ce moment, ma démarche qui est quand même assez jeune, parce que j'ai terminé mes études il y a quelques années de cela, c'est vraiment encore une démarche où j'utilise plus les cadres. OK. On travaille encore beaucoup sur les cadres, là. Les sujets sont, je dirais, presque, je dirais pas aléatoire, mais plus secondaire. Moins important, en fait, que le cadre en soi. C'est sûr que oui, je danse, puis j'aime ça, puis ça fait partie un peu de ma vie, mais c'est pas l'important de l'expo, c'est vraiment plus là, la façon de présenter, puis la façon de comprendre, la façon du cadre, en fait, là, comment ça fait. Puis, j'ai envie de parler de l'installation par terre, donc avec les cubes. Est-ce que c'est du verre ou du plexiglas? Je m'excuse, j'ai oublié ce qui a été dit au début. Donc, les cubes de plexiglas à l'intérieur desquels on peut voir, bon, dans le premier cube, on voit une paire de souliers de toile blanc, ensuite c'est beige, après ça, on devine que c'est beige parce que c'est brouillé, voyons comment on appelle ça, je perds mes mots. Sigma ou... Oui, c'est ça. Puis dans le dernier cube, blanc, ben on présume qu'il y a encore une paire de souliers, mais qu'on peut pas voir. Donc, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un intérêt aussi pour la disparition de l'image, pour mettre de l'avant qu'il manque des informations. Oui, exactement, c'est ça. Ça reste dans la thématique de bad sampling. En fait, cette partie-là de l'expo, comme je disais tantôt, en fait, là, mes travaux, ils tiennent souvent autour de des concepts numériques, l'informatique, parce que j'ai une formation non numérique, que j'ai décidé de mettre, d'appliquer à des matériaux tangibles, parce que j'ai appris à connaître toutes les familles de matériaux, puis en les appliquant, en n'utilisant aucun capteur numérique, en n'utilisant aucun outil numérique, j'ai comme créé une espèce de canevas Photoshop, si on veut, avec les cubes, où est-ce que je pouvais baisser l'opacité en un clic de souris, mais dans un environnement qui est réel, que j'ai refait finalement avec les cubes de texture. Vous avez aussi une pratique en performance. Est-ce que ces préoccupations-là sont aussi présentes dans cette pratique performative? En ce moment, je dirais que mes deux pratiques sont assez distinctes. J'essaie de peaufiner les deux un peu séparément. J'imagine qu'avec les années et l'âge, ça va se chevaucher. Mais pour l'instant, je dirais que mes thèmes et mes préoccupations en performance sont vraiment différents de ma pratique plastique. Elles sont marquées par quoi? Pardon? En performance, les thèmes sont marqués par... Surtout le moment où est-ce que moi je suis un, en fait les gens me regardent, ben, j'essaie de transférer ça au public, faire comme des transferts de public performeur aussi dans d'autres situations, je vais créer un handicap où est-ce que je vais me donner des incapacités de faire des actions. En fait, je vais répéter une action en fait plusieurs fois, une action simple. Et à chaque fois, entre chaque action, je vais me donner un handicap pour finalement terminer la performance où est-ce que je suis rendu incapable de faire l'action que je m'étais dit de faire au début. Donc, c'est vraiment des préoccupations qui sont, je pense, différentes de ma forme plastique. Mais comme je disais tantôt, peut-être qu'un jour, je vais être capable de combiner tout ça puis faire quelque chose de plus homogène. Hein? Mais il y a quand même des liens. Moi, j'en vois des liens quand vous parlez de l'idée de la répétition, de donner un handicap. On peut faire un lien justement avec l'installation où on peut pas tout voir, il nous manque quelque chose. C'est vrai, oui. Effectivement, en fait, peut-être plus avec cette exposition-là au lieu. Effectivement, j'espère que vous le dites, je le remarque aussi. Ça prend souvent quelqu'un d'extérieur. Oui, ben c'est fun, ça nous donne une vision un peu différente de la nôtre. On est comme beaucoup dans notre tête, là. Ben voilà. Ben c'est déjà tout le temps dont on dispose. Alexis Bélanger, merci infiniment. Ben ça me fait plaisir. Merci beaucoup à vous. L'exposition Bad Sampling est présentée au lieu jusqu'au 15 mars. On fait une pause et au retour, on discute collection d'art actuel. Salut, c'est Aria. Cette semaine, en direct du Sacrilège, je reçois Tire le Coyote, DeLoréane, Le Haut Ludo Show, le Comité de l'entraide universitaire mondiale du Canada, et c'est la chronique de Jeff Bailey pour la Duchesse d'Aiguillon. Dans le sac à lunch, cette semaine, Pastissimo nous a préparé de la moussaka. C'est un rendez-vous mercredi, 17h30, au bar Le Sacrilège, 447 rue Saint-Jean. OK, je te donne 3 secondes pour Laurence, m'expliquer. Pour vrai. 3, Laurence, 2, ah, c'est ça, mais par rapport. 1. Voyons, Laurence, tu capotes bien raide, là. Moi, je capote, sérieux. Ben oui. Hey, t'es pas capable de me dire il est où mon bébé, puis moi, je capote. Regarde, on va se calmer, là. Moi, je me calmerai pas. Je pars une fin de semaine à New York. Je te laisse Julie 2 jours, pas 1000, là. Puis quand je reviens, tu sais pas où. Attends, wow, sérieux, calmos, calme-toi. Que je me calme. OK, je le sais que t'es fâché, mais c'est un chien, ça arrive. Julie, tragédie canine. Une coproduction du collectif du Vestiaire et de Nuages en pantalon compagnie de création, présentée à premier acte du 24 février au 14 mars. Billets en vente sur lepointdevente.com. Le cinéma Le Clap vous présente du 27 février au 8 mars pour la semaine de relâche le Festival de cinéma pour enfants de Québec. Au programme, Minuscule, La vallée des fourmis perdues, Chant de la mer, En sortant de l'école, Jean-Michel, Le caribou des bois, Le monde d'Adrien. Et en clôture, Le Clap présente le film L'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet. Ne manquez pas nos ateliers de bruitage avec Frédéric Lebrasseur, de science avec Martin Carly, d'effets spéciaux et d'initiation au cinéma. Informez-vous sur fceq.ca. Le Clap, du cinéma d'ici, d'ailleurs, pour les enfants et pour les grands. pas une heure par semaine, le 9e art prend d'assaut les ondes de CKRL lors de l'émission La vie en BD. Entrevues, discussions, événements, découvertes. Animé par Raymond Poirier, accompagné par une équipe de collaborateurs passionnants, La vie en BD, c'est votre porte d'entrée vers l'univers de la bande dessinée, de l'illustration et du cinéma d'animation. Avec un regard particulier sur la BD d'ici. La vie en BD, les vendredis 17h30 à 18h30 sur CKRL 89.1. Les jeudis 9h, écoutez le 8e continent. Énergie verte, agriculture urbaine et activisme environnemental sont à l'honneur avec en vedette des organismes impliqués dans l'environnement. Cette émission est une présentation de la boutique Écoutantique. Écoutantique vous offre la plus grande sélection de produits du chanvre industriel à Québec. Écoutantique, 160 rue Saint-Paul et pour en savoir plus, écoutantique.com. Il est 18h, on est de retour à l'aérospatiale et j'accueille deux collaborateurs à l'émission. Audrey Carreau, bonsoir. Bonsoir. Jean-Pierre Gay, bonsoir. Bonsoir. Donc, on fait notre demi-heure ensemble là, parce que vous participez. Audrey, tu as été commissaire tous les deux à l'exposition Passion et engagement. J'ai oublié le sous-titre, Audrey, la collection à Québec? C'est ça. Voilà. Je l'ai vu sur ta feuille. Audrey, tous les deux, vous êtes collectionneurs. On retrouve des œuvres de votre collection dans cette exposition-là. Mais dans un premier temps, j'ai envie de parler avec toi, Audrey, de ton projet de commissariat de cette expo-là. Puis même avant ça, là, j'ai en train de me structurer. Mais quand je suis allée voir l'exposition dans dimanche, Norbert Langlois? Oui. C'est pas drôle, aujourd'hui, j'ai des blancs. Me disait que ça fait, je pense, quelque chose comme 50 ans qu'il n'y a pas eu d'exposition de collectionneurs. Oui, effectivement. Ben, peut-être pas 50 ans, je pense qu'on retourne autour de 84 ou 85, on s'entend que ça fait un bon moment, là, ça c'est certain. Mais vraiment, c'est quelque chose de très, très rare, là, des expositions de collectionneurs à Québec, particulièrement. Donc ça, oui, on peut pas dire que c'est une première, mais c'est une des rares fois. En tout cas, une primeur depuis 30 ans. Là, exactement, oui. Depuis un bon moment, oui. Puis bon, tous les deux, vous faites partie du cercle des collectionneurs d'art actuel. Comment est venue cette idée d'exposition-là? J'imagine que ça venait de toi, Audrey? Ben, à vrai dire, ça venait de tout le monde qui était là au début, parce que comme je l'ai expliqué l'autre soir, c'est que ça fait depuis 2012 que c'est en place, le cercle des collectionneurs d'art actuel. Et Jean-Pierre était avec moi à la première rencontre. Mm-hmm. Et puis, ça a été vraiment une idée qui a été sortie à la première rencontre de tout. Au début, on se disait, ça serait le fun de créer une exposition d'œuvres de nos collections pour, en quelque sorte, parce que dans le fond, la mission du cercle qu'on s'est donnée, c'est de démystifier l'acquisition d'œuvres d'art. Et puis, on voulait comme, en quelque sorte, montrer aux gens que finalement, pas besoin d'être des millionnaires ou des financiers très, très riches pour acquérir de l'art aujourd'hui. Ouais. Ben, comme la dernière exposition qui avait eu lieu au Palais de justice, on se doute bien de qui collectionnait puis du type d'œuvre aussi là, qui était... Oui, il y a des grosses chances. Ben, c'est ce qui distingue le cercle des collectionneurs en art actuel du club des collectionneurs. Ouais. Je ne sais pas si c'est le club. Lequel est le cercle? Lequel est le club? Vous êtes dans le cercle. Mais du côté du club de Marc Bellemare, eux, ils sont ouverts à toute période de l'art. Et c'est pas nécessairement l'art actuel qui les intéresse. Ce qui nous intéressait, nous autres, c'est de justement faire la promotion de la collection possible d'art actuel, de l'art qui se fait aujourd'hui par souvent des jeunes d'ici. Ben oui, parce que c'est là qu'ils sont accessibles. Oui. Exact. Oui. Et de démontrer aussi que, comme disait Audrey, qu'il faut pas, c'est pas nécessaire d'être millionnaire pour pouvoir acquérir de l'art. Moi, je suis à la retraite depuis 2002, puis j'arrive là, cette année, je devrais avoir à peu près ma 100e œuvre. 100 œuvres, hein, quand même, Jean-Pierre. Et c'est tout ça a commencé à partir du moment où j'ai fait des chroniques en art visuel, puis j'ai découvert l'univers de l'art actuel à Québec. Donc Ça t'a donné la piqûre, tu t'es dit, il m'en faut à la maison. Ouais, mais pas il m'en faut. Je veux encourager les artistes. Moi, c'est mon point de vue, c'est beaucoup d'encourager les jeunes artistes, les artistes qui souvent n'ont pas vendu encore une œuvre, qui n'ont pas de galerie, Même s'ils ont une galerie, des fois ils n'ont pas vendu d'œuvre encore. Moi, j'aime beaucoup aider des artistes comme ça à pouvoir dire, ben j'en ai vendu une enfin. Puis le Radioton ici de CKRL a beaucoup servi à ça. On a fait la promotion pendant plusieurs années d'œuvres d'art actuel qui ont été dont on a parlé pendant le Radioton, puis qui ont été mises à l'encan, puis qui ont été vendues aussi. Oui, je me rappelle l'année où Christian Messier avait été commissaire, toutes les œuvres avaient été vendues. De ton côté, Audrey, qu'est-ce qui t'a amené à la collection? Parce qu'on peut aimer l'art, puis ne pas entamer de collection parce que justement, parce que c'est pas accessible ou tout ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de collectionner? Ben, personnellement, à vrai dire, je pense que c'est à l'université, par hasard, j'étais à Montréal et puis il y avait une vente d'œuvres d'étudiants en art qui se faisait. Puis je pense que j'étais là, oh mon Dieu, je viens de dépenser 50 $ tu sais, j'avais acheté deux œuvres, puis chez moi, oh mon Dieu. Puis ben, c'est resté un peu mort pendant quelques années, mais ça a été mes premiers achats que j'avais fait. Puis sinon, ça a été au premier encan qui a eu au lieu, je pense, en 2011 ou quelque chose comme ça. Et puis c'est vraiment là que j'avais comme fait un peu le saut. Puis non, d'ailleurs, je pense même au symposium de Baie-Saint-Paul, à un moment donné, j'avais côtoyé un artiste qui était là, qui produisait des dessins sur place, puis il y en avait plusieurs sur la table. J'ai demandé, ah, tu sais, est-ce que tu en vends? Puis il m'avait dit oui, puis on avait conclu une affaire sur place. Donc, ça a été dans les premiers balbutiements pour moi d'acquisition, déjà là, dans vraiment des artistes de la relève au tout début, puis après ça, ben, le contact aussi humain avec l'artiste qui a fait en sorte que, ben, en discutant avec lui, que, oups, l'achat a suivi parce que j'aimais son travail, puis je voulais l'encourager, justement. Puis c'est intéressant aussi parce qu'au Cercle des collectionneurs, vous faites des activités qui vous mettent en contact avec les artistes. J'imagine que c'est vraiment facilitant pour se choisir des œuvres, pour comprendre un peu plus l'art actuel. Ben, par exemple, on a rencontré Dan Brault. Oui. Donc, Dan nous a présenté son travail dans son atelier. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous a présenté ses créations, où il s'en allait, ses intentions, ses projets. Et évidemment, il avait étalé ses dernières productions. Et à la fin de cette rencontre-là avec Dan Brault, ben moi, je me suis procuré un beau petit Dan Brault de la période d'aujourd'hui. Puis il y a Abdoulila qui en a acheté un aussi. Norbert, je pense. Moi aussi. on a été plusieurs. C'était une bonne soirée pour lui. Puis c'était une bonne soirée pour nous autres aussi. Ben, puis tu sais, en même temps, ça se veut pas des activités de vente, hein. Puis ça, c'est important de le dire. C'est juste, il avait accroché ça là, puis tu sais, dans le fond, c'est naturellement, si certains étaient intéressés, ben c'était libre. Il y avait pas de pression, il y avait rien. Mm. Puis je pense aussi, bon, toi, t'étais là à Dan Brault, mais je pense à cet été, au mois de juin, là, c'était vraiment super intéressant. On était allé chez Yannick Pouliot. Et puis, vraiment, c'était une rencontre. On est allé vraiment sur le lieu où il vit, vraiment chez lui, parce qu'il est pas à Québec, mais à l'extérieur de Québec, dans Portneuf. Puis c'était extrêmement intéressant parce qu'il était, généralement, en plus, les artistes sont très généreux de leur temps. Et puis, on était comme des gamins à l'école, suspendus à ses lèvres, à écouter ce qu'il avait à nous dire, assis dans son jardin, en mode pique-nique, là, avec les couvertes au sol, puis il nous parlait de son parcours et tout. Donc ça, c'est vraiment ça. Ça se veut pas juste, oui, on démystifie l'acquisition, mais on le fait de façon très humaine, justement en rencontrant ces gens-là. En relation. Puis c'est ça aussi, parce que souvent, puis c'est un peu en même temps aussi ce qui est véhiculé dans l'exposition, c'est vraiment de dire, c'est un contact humain, c'est une rencontre, parce que oui, il y a l'œuvre d'art, puis souvent dans les médias, ce qu'on laisse voir, ben c'est un Van Gogh qui s'est vendu 45 millions de $. Donc, on en est tout le temps dans la valeur monétaire plutôt que dans la valeur humaine, la transaction humaine, si on peut dire. Là, puis c'est ce que je trouvais important aussi de véhiculer, autant dans le petit texte que j'ai fait autour, mais aussi dans les œuvres qui sont présentées. Puis souvent, c'est ça, les œuvres que j'ai choisies, ben c'est des œuvres qui ont été soit achetées au cours de foires, d'encans ou de rencontres d'artistes à collectionneurs. Et puis, c'est ça aussi que je pense qui est intéressant de véhiculer dans l'achat d'art. Ça marche, Audrey, parce que moi, quand j'ai regardé l'exposition, j'ai senti que ces œuvres-là étaient aimées. Oui. Tu sais, on a souvent là, la collection des jardins, les grands collectionneurs. Bon, la collection qu'on avait eu au Musée des Beaux-Arts, la collection Perret-Simons. On s'imagine les collections, c'est toujours imposant. Puis là, c'est géré par un conservateur et tout ça. Puis moi, j'ai l'impression que ces œuvres-là, elles étaient dans votre salon, dans votre salle à manger, dans votre chambre. Il y a Geneviève... Geneviève Pelletier qui gardait l'exposition quand j'étais là, puis elle dit un trou dans ma chambre. Oui, oui, exact. Pour une de ses œuvres, je pense que c'est celle d'Anouk Deloche, je ne suis pas trop certaine, mais on les sent aimer, ces œuvres-là. D'ailleurs, moi, un petit débat que j'avais avec Norbert au tout début, je ne me considère pas comme un collectionneur, je me considère comme un mécène, parce que j'aime les artistes. Puis toutes les œuvres que j'ai acquises, je ne les ai pas acquises pour leur valeur, je les ai acquises justement parce que j'aime l'artiste, puis je veux partager avec lui, puis je veux l'encourager. C'est l'aspect humain, un peu ce qu'Audrey disait. C'est ça qui comptait pour moi. Et c'est toujours ça qui compte dans toutes les œuvres que j'ai ont une histoire d'un rapport avec un artiste, d'un événement qui s'est passé autour de ces œuvres-là. Donc, pour moi, c'est plus dans l'encouragement à l'artiste que l'idée d'avoir quelque chose qui a une valeur X monétaire. Et pour toi, Audrey, j'imagine ça un peu dans la même perspective, ou c'est vraiment comme ton amour des œuvres qui guide tes choix? Est-ce qu'il y a un fil conducteur? Ben, on a déjà parlé de ça, mais veux pas, je pense qu'avec le temps, oui, il y a un fil conducteur, mais qui est inconscient un peu, en quelque sorte. Puis c'est vraiment, moi, j'irais, c'est souvent parce que, personnellement, c'est par des coups de cœur que j'ai, que je vais faire une acquisition d'une œuvre. En même temps, des fois, c'est un artiste que j'aime beaucoup, puis la pièce me plaît, ou sinon aussi, en même temps, c'est par souci de soutenir que ce soit l'artiste, mais aussi l'événement. Tu sais, je pense, par exemple, à la foire en art actuel, justement, tu sais, à la première édition, ben j'avais pas un gros portefeuille, mais je tenais à encourager les filles pour leur dire, ben hey, je soutiens votre événement. Puis, tu sais, j'avais acheté un petit truc, ça m'avait coûté 80$. C'est rien, mais c'est le geste aussi qui compte. C'est de dire, regarde, on le fait parce qu'on y croit, puis qu'on veut soutenir aussi. Puis ce que j'aime bien faire aussi, c'est acquérir quelque chose qui est singulier dans Des commandes, Jean-Pierre, là. Ah, ben, je fais pas des commandes, mais il y en a eu quelques-unes, oui. Mais j'aime ça aussi, avoir des choses singulières. Je vais te donner un exemple. Oscar India Romeo, ils ont fait une installation, puis il y avait plusieurs tablettes avec toutes sortes de choses, puis il y avait une tablette qui était différente des autres. C'était toutes sortes de petits bonhommes, de petits personnages. Ben, j'ai acheté la tablette, et ça a tout débalancé leur système. Donc, je me suis payé leur tête en même temps, parce qu'en achetant cette tablette-là, ça venait débâtir leur discours. Alors, j'ai acheté tous les petits personnages qu'il y avait sur la tablette, plus un autre objet qui était sur une autre tablette qui, lui, était relié à leur grand système. Alors, on était obligés de redéfinir. Alors, eux ont dû redéfinir le reste de leur installation, puis on s'est beaucoup amusé à faire ça. Et ça, j'aime ça, faire ce genre de j'ai acheté une pièce de Daudry, dont j'ai oublié le nom, là. Ben c'était une pièce. Une pièce de qui, t'as dit? Damers Roberge. Ben, j'ai acheté, c'est la première fois qu'elle exposait. J'ai acheté une petite pièce en céramique qui était tout à fait différente du reste de ce qu'elle présentait. Et en même temps, ça m'a permis d'encourager quelqu'un qui avait osé placer ça sur les murs pour la première fois. Mais tu parles de pièces différentes parce que là, t'as des pièces là, dans l'exposition qui sont aussi différentes de ce que les artistes produisent. Par exemple, la sculpture de Jean-Pierre Morin ou encore ton œuvre audio de Jacques Sanson. Ben moi, je pense que ça, c'est des pièces vraiment singulières dans les pratiques de ces deux artistes-là. Jean-Pierre, c'était l'aérospatiale, on l'avait reçu, et dans la recherche que j'avais faite, j'avais vu qu'il voulait un jour travailler la guimauve. Alors, j'étais chez mon dépanneur avant l'émission, j'ai acheté un sac de guimauve, et vers la fin de l'entrevue, j'ai sorti le sac de guimauve sur la table, et Jean-Pierre est parti à rire. Et quelque chose comme 6 mois plus tard, on a poursuivi l'entrevue, évidemment, autour de ça, et 6 mois plus tard, il m'a appelé, il m'a amené dans son atelier pour offrir l'œuvre qui justement est là. Ah ouais? Ouais. Et on a même fait une émission, une demi-heure dans l'émission suivante, avec un spécialiste en conservation, un historien de l'art, un galériste, et là où on parlait, est-ce que c'est bien un Jean-Pierre Morin? Est-ce que c'est bien une œuvre d'art? Puis on a eu tout un discours, c'était vrai, et c'était fascinant, l'émission qu'on a faite autour de ça. Puis l'œuvre de Jacques, ça c'est vraiment, encore là, il avait présenté chez Dzara des magnifiques lampes qui projetaient des jets de lumière, ouais, sur le mur et qui créaient une troisième œuvre. Elle tournait, hein, je elle pense tournait, à Dzara, puis elle créait le jeu des faisceaux, créait une œuvre sur le mur, ouais, une œuvre mouvante sur le mur. Mais c'était trop haut pour chez moi. Alors j'ai dit à Jacques, hey, j'aimerais ça un jour avoir une de tes lampes, mais si je peux pas, ça rentre pas chez moi. Moi je vis dans un pignon puis tout ça. Un an après, il m'appelle et là il avait conçu une lampe qui effectivement projetait vers le mur, mais qui, il y avait un petit objet en plein milieu d'un parcours en broche, qui est un objet tout à fait à la manière de Jacques Sanson. Et cet objet-là tourne, et en tournant, ça fait du son. Alors, il a créé une œuvre sonore, une lampe sonore, parce que j'avais mon émission en art sonore. Donc, c'est une lampe qui est singulière, et là, c'est la seule qui va produire dans cette, mais pour cette série, là, c'est une lampe unique. Mais on sent, Jean-Pierre, t'aimes la singularité, donc ça semble faire partie de ta personnalité de collectionneur. Audrey, toi, t'as eu l'occasion de faire le tour des collections de tout le monde au cercle, je pense? Presque. J'en ai vu plusieurs, je me suis déplacée. As-tu remarqué, justement, des personnalités que t'as dit, oh, OK, là, je vois un fil conducteur? Ben oui, c'est sûr. Des fils conducteurs ou en même temps, des personnalités se révéler aussi à moi par ces objets-là. Il y en a certains qui en avaient une quantité. J'étais assez impressionnée là aussi par la quantité, mais en même temps c'est vraiment ça, comme je dis, des fois le fil conducteur paraît pas nécessairement, mm-hmm, on l'a pas consciemment dans notre tête, mais vu de l'extérieur, quand j'arrivais là, ben je reconnaissais ces gens-là par les choix qu'ils avaient faits. Puis ça, j'ai trouvé ça extrêmement enrichissant, puis aussi fantastique pour moi là de visiter ces collections-là. Voilà. Ben, sur ça, on va prendre une courte pause, oui, audio. On va respirer un peu. On écoute un extrait de la pièce I Forgot You sur les ondes de CKRL. Alors, on est toujours à l'aérospatiale, toujours en compagnie de Jean-Pierre Gay et Audrey Caro, et de moi-même, Julie Gagné. D'un coup, vous auriez oublié mon nom, vous vous questionnez à savoir qui est donc cette personne qui parle. On a parlé beaucoup de la collection, de l'engagement personnel dans la collection, du style collectionneur. Maintenant, Audrey, t'es commissaire de l'exposition. Oui. T'avais sûrement un bon choix d'œuvre. Oui, ça a été quelque chose à faire un choix, puis en même temps, il y avait un grand nombre d'œuvres disponibles, mais en même temps, il fallait donner du sens à, ouais, tout ça, puis essayer de créer un tout cohérent. Puis, dans le fond, je dirais, j'y suis allée par en allant visiter des collections, à demander aussi à des collectionneurs, envoyez-moi des listes d'œuvres d'artistes qui... Parce que une des contraintes que j'avais était de sélectionner des artistes de Québec, ou du moins qui étaient liés à Québec, là, qu'on connaissait pour avoir été à Québec de façon... Oui, parce que c'est ce que j'ai remarqué, c'était même dans mes questions d'entrevue, justement. Je pense qu'il n'y en a pas qui ne sont pas passés à Québec. Moi, je connaissais tout le monde. Là, exactement, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est des figures qui ont aussi, si du moins sont plus là aujourd'hui, aujourd'hui ont quitté très récemment pour diverses raisons, mais qui ont laissé leur marque à Québec. Pourquoi? Hein? Pour mettre l'accent justement sur ce qui se passe ici? Oui, bien c'est ça, pour montrer qu'on soutient aussi le milieu. Immédiat à Québec, autant la relève que les artistes établis. Donc, en même temps aussi, ça fait partie de l'engagement du collectionneur de dire de pas juste collectionner des vedettes de l'international, mais de soutenir le milieu en art actuel local. Donc ça, puis c'est très important. Puis je dirais même, tu sais, c'est ça, tout le monde en avait des pièces de ces artistes-là. Puis c'est d'essayer de penser en contraintes d'espace. Oui, parce que la galerie, là, on vient tout juste d'avoir, elle n'est pas si grande que ça. Il y a un bon espace. Moi, j'ai été surprise. Ouais? Puis même plusieurs personnes m'ont fait le commentaire au vernissage qui étaient surpris de l'espace parce qu'on avait vu des photos, on ne savait pas trop comment ça allait. Ça avait l'air très étroit. Hein? C'est ça, ça avait l'air très étroit, mais finalement, on est capable d'avoir un bon recul. Mais tu sais, en tout, j'ai quand même réussi à rentrer 25 œuvres de 23 artistes, donc ce qui est quand même pas pire parce que sur le coup, après avoir sélectionné, fait une liste préliminaire, on en a éliminé quelques-unes, mais il y a certains qui restaient avec des doutes, qui étaient sceptiques de la sélection que j'avais faite, mais finalement, une fois l'accrochage fait, on a vu, waouh, tu sais, ça respire, c'est pas trop serré, puis je pense qu'on avait la bonne quantité là, d'œuvres. Puis il y a un bon dialogue aussi entre les œuvres. Ah oui, on sent vraiment que... Ça, c'est important que tu en parles. Oui. L'accrochage est vraiment pensé, là, ben, ça a des été parentés réfléchi, de genre. Hein, ou, c'est comme, là, il y a un coin où on voit des œuvres qui étaient à l'encan de regard. Exact. On voit aussi, on sent que même il y a des amis là, dans les artistes. C'est comme la table avec Marie-France Tremblay, Francis Arguin, puis... Émilie Proulx. Émilie Proulx. Là, ouais. On sent vraiment que tu as pensé à les regrouper aussi. Ben oui, c'est ça. J'ai essayé de donner du sens à ce corpus qui aurait pu être, qui est très éclectique, parce que je voulais aussi avoir des œuvres, très variées aussi, le plus possible. Donc, puis en même temps, il y a des choses qui naturellement allaient ensemble pour moi ou qui dialoguaient très facilement. Je pense par exemple au secteur où on voit le Guillaume Machuchard-Provost avec José Landry-Sirois, Yannick Pouliot aussi. Anouk Desloges aussi. Des loges, donc on est dans le coin vraiment minutieux, tout en finesse, délicatesse, puis qui suit après ça d'une immense œuvre. Hein. On n'est plus dans des petites pièces, puis après ça, on arrive à l'immense Paris, aussi Martin, avec des fleurs et tout. Donc, je trouvais ça drôle. J'ai dit, c'est comme mon coin un peu féminin aussi en même temps. Mais j'ai dit, il y a deux gars dedans, tu sais, fait que c'est quand même, c'est rigolo, mais c'est ça. Mais ça a été réfléchi, puis pensé tout ça pour que ça fasse sens, que ça se parle aussi, puis que les gens soient capables de voir des liens. Donc, c'est intéressant aussi de donner sens à ce corpus-là qui est éparpillé, finalement, normalement. Là. Puis, t'as pris combien de temps comme ça à penser à ton accrochage? Ben ça a bien été. Je dirais que ça m'a pris peut-être deux semaines à peu près. Puis, j'ai eu un petit coup de main là, pour mettre ça en... pour réfléchir sur place avec Norbert Langlois puis Marie-Christine Morin qui m'ont épaulée là, là-dessus parce que j'avais des idées, mais en même temps, c'est en discutant qu'on est arrivé vraiment à dire « Hey, ça, qu'est-ce que t'en penses? » Puis, « Hey, c'est vrai, ça, c'est drôle. » Puis là, à un moment donné, le petit coin humoristique en rentrant justement avec le Cooksasville, BGL, Doyon-Rivet, qui finissent sur une note un peu questionnante, tu sais, parce que c'est Logo Pagus qui parle, qui chuchote, on ne sait trop quel secret à l'oreille d'une jeune fille. Puis après ça, la photo suivante à côté, c'est un diptyque, ben elle est par terre, au sol. Donc, on se questionne, mais on se demande qu'est-ce qu'ils ont dit, tu sais. Puis après ça, on a la table avec justement l'œuf, la casserole, le tricoté, puis la petite toast. Donc, le petit coin alimentaire. Le petit coin alimentaire, oui, c'est ça. Mais l'œuf est à Jean-Pierre, la petite toast aussi. Puis j'avais tellement ri quand je l'ai vu chez lui sur son micro-ondes. Mais j'ai dit, c'est parce que sa vie, tu sais, ces œuvres-là dans le quotidien des gens, là, puis c'est ce qui est fascinant. C'est ça que j'aime bien aussi dire, moi, que mes œuvres d'art sont pas placées dans des endroits là, inadmissibles dans la maison. J'en ai sur mon micro-ondes. C'est des œuvres d'art, là, puis c'est de Francis, puis d'Émilie Proulx. Puis je vis avec, tu sais, chaque fois que je mets quelque chose dans mon micro-ondes, ben je vois mon œuvre. Puis je vois le petit sandwich d'Émilie. Puis ça fait partie de ma vie puis de mon quotidien. Mais justement, ça aussi, c'était une question que j'avais. Ça fait partie de votre quotidien. J'en ai parlé un peu tantôt. Geneviève qui disait il y a un trou dans ma chambre, tout ça. Ça fait quoi de voir ses œuvres qu'on côtoie comme ça, toujours, dans un contexte aussi professionnel, sur les murs blancs, de la galerie, tout ça? C'est très impressionnant. Moi, j'ai été très, très, très touché parce que chez moi, c'est tout petit. Puis, tu sais, quand on parle, j'en ai quand même pas mal. Fait que c'est très chargé. 100 œuvres dans un petit endroit. Je suis pas rendu à 100. Je vais y arriver, là. Et donc, chez moi, c'est tout est cordé, tout est serré. Et là, de voir dans des grands espaces où ils ont leur place, ils sont mis en valeur de façon seule, tu sais, ils sont pas... Ils côtoient d'autres œuvres, mais de façon moins collée. C'est très impressionnant. Moi, quand j'ai vu mon œuvre de Jean-Pierre et celle de Jacques Sanson là, qui tourne sur le mur, là, j'ai trouvé ça très, très, très beau et très professionnel aussi. Puis toi, Audrey, est-ce que ça t'a fait un peu le même effet, même si c'est toi qui avais tout réfléchi à l'exposition? Bien, c'est sûr que moi, la proximité là, était plus proche, mais c'est sûr que c'est toujours... je veux dire, je comprends ce que Geneviève Pelletier disait en disant, tu sais, mm-hmm. il y a un trou dans ma chambre, puis tu sais, on est habitué, on vit avec ça au quotidien, puis oui, c'est vrai que ça laisse un petit trou, mais en même temps, moi, je dois dire, tu sais, en ayant le chapeau de commissaire, en même temps, ben, on y pense justement pour faire un accrochage, tu sais, professionnel. On veut aussi que, tu sais, sachant qu'il y a des gens du milieu qui allaient passer par là, ben, on veut aussi que ce soit présenté de belle façon, puis que justement, il y ait des liens qui s'établissent. Mais oui, c'est toujours impressionnant de dire, c'est de les avoir vus chez les collectionneurs dans leur milieu de vie, puis là, whoop, de les voir sur la galerie, mais en même temps, moi, je les ai encore en tête sur ces murs-là. Là. Mais c'est très... Lors du vernissage, il y a des gens qui nous ont dit que c'était que l'accrochage, que la qualité de la présentation, c'était d'un très grand professionnalisme. Les gens ont découvert cette galerie-là pour la première fois. Ben oui, et puis il paraissait qu'il y avait beaucoup de monde. On a eu environ 250 à 300 personnes dans toute la soirée. Un feu roulant de gens. À 5h30, 6h, c'était dur de rentrer. Ah ouais. Puis moi, je me pose la question aussi, parce que quand j'ai vu l'exposition, j'ai trouvé qu'un des mandats du Cercle des collections était réussi de montrer que c'est possible, justement, la collection. Avez-vous eu des commentaires à ce sujet-là, comme quoi j'ai envie de m'y mettre... Moi, j'en ai pas eu. J'ai eu des gens qui m'ont parlé de coup de cœur, mais je pense que quand même avoir la réaction aussi des gens, je pense que ça va en avoir travaillé quelques-uns ou dire, ben finalement, c'est accessible, c'est possible. Puis mettre des visages. Ouais. De mettre des visages. Tu croises quelqu'un sur la rue, puis tu dis, hey, lui, c'est un collectionneur, ou elle, c'est une collectionneur. Puis, tu sais, c'est quelqu'un comme toi et moi. Puis, ça, je trouve que c'est un des beaux coups de cette exposition-là, de montrer que les personnes qui collectionnent, là, ben, tu sais, moi, je c'est le kidam dans la rue. C'est des kidam. Mmh. Puis, peut-être en terminant, on m'a dit dimanche, c'est certainement pas la dernière exposition. Donc là, j'imagine qu'il n'y en a pas une dans les plans à très court terme. Bien, il y en a une qui est quand même qui germe dans notre esprit. Exactement, ouais. Oui, parce que avant même qu'on se le fasse demander, que je me fasse demander d'assurer le commissariat-là, avec Geneviève Pelletier, on en avait pensé à une autre, donc possible volet 2 à venir. Je ne pourrais pas dire encore, là, donner de date, mais ça s'en vient. De toute façon, aussi. On sera certainement au courant de ce qui se passera. C'est vrai, en terminant, Jean-Pierre, après-midi, causerie à venir. Je veux juste dire que le 15 mars à 14h, le 15, c'est un samedi ou un dimanche, ça? Le 15? C'est un dimanche. Un dimanche. Donc, à 14h, Audrey va... questionner, je vais être là, puis Marie... Marie-Christine Morin aussi, donc oui. Ça va être une sorte d'échange, mais tout le monde est invité à cette façon très informelle, il va y avoir du thé, des biscuits aussi, donc vraiment pour discuter entre amateurs d'art et aussi amener les gens à peut-être mieux découvrir le quotidien là aussi d'un collectionneur. Voilà, donc l'invitation est lancée. Je rappelle l'exposition Passion et engagement. La collection à Québec est présentée à la Galerie 3 jusqu'au 22 mars. C'est tout juste derrière la fabrique, là, sur la rue Saint-Vallier-Est. Jean-Pierre Gay, merci. Bien, c'est un plaisir. Audrey Caro, merci beaucoup. Merci, Julie. Donc, ben voilà, c'est déjà la fin de l'émission. Je remercie mes collaborateurs, mes invités. Je remercie Jacques Gignac à la mise en onde. Et comme d'habitude, je vous laisse entre les très bonnes mains de Jeff Chaumel et son folk d'Amérique.